42e chapitre. Encore du Granec. Le jour fatal où la torture devait s'acharner sur la fontenelle se leva enfin. Le vendredi 27 septembre, suivant l'arrêt qui avait été rendu contre lui, il fut appliqué à la question ordinaire et extraordinaire. La veille, il avait reçu l'absolution après s'être confessé à un vieux prêtre qui, depuis sa détention, était venu souvent le visiter dans son cachot. Les paroles pieuses et consolantes du vénérable ecclésiastique ne firent que ranimer le courage qu'il s'était bien promis de conserver jusqu'au dernier moment de sa vie. Il subit l'horrible torture dite des brodequins avec une énergie et un sang-froid qui étonnèrent les tourmenteurs. En vain lui fit-on souffrir l'épreuve des quatre coins qui broient à la fois les chairs, les nerfs, les muscles et celle des huit qui brisent les os. La fontenelle n'avoua rien de sa prétendue complicité dans la conspiration de Biron. Dans cet état affreux de mutilation, il fut jeté dans le dégoûtant tombereau qui devait le conduire au supplice. À ses côtés, sur la même banquette, se plaça l'ecclésiastique qu'il avait confessé dans sa prison. Le sang de Guéder filtrait à travers les linges et les bandelettes qui enveloppaient ses jambes rompues. C'était un spectacle bien triste et bien navrant que de voir assis dans cette ignoble charrette ces deux hommes arrivés au terme de leur existence. Seulement, dans le dernier voyage, le jeune homme allait devancer le vieillard de quelques pas. Le premier, avec ses longs cheveux blonds baignés de sueur et les traits décomposés par les épouvantables souffrances qu'il venait d'endurer, était jeune et beau, le second vieux et cassé. La fontenelle avait à peine 28 ans. Le prêtre était plus qu'octogénaire. Si l'on avait ignoré quelle mission celui-ci remplissait auprès du condamné, on aurait pu croire que c'était un père qui, en proie à de mortelles inquiétudes, ramenait son fils, trouvé dangereusement blessé sur quelque champ de bataille. Une pluie fine et glacée tombait quand le patient prit le chemin de la grève, et un noir brouillard enveloppait toute la ville. Une foule de curieux, poussant d'horribles clameurs, formait la haie sur le passage de la fontenelle. « le voilà, c'est la fontenelle, c'est la fontenelle » s'écriait-il avec frénésie. C'était avec bien de la peine que les gardes et les archers parvenaient à frayer un passage au sinistre tombereau, tant le peuple se pressait en avant pour tâcher d'apercevoir la figure du brigand de la Cornouaille. La fontenelle, malgré son extrême pâleur, avait quelque chose de si effrayant dans l'expression de sa physionomie qu'on avait peine à supporter les éclairs qui jaillissaient encore de ses yeux. Toutes les fenêtres devant lesquelles il passait étaient encombrées de spectateurs. À mesure qu'il approchait de la place de Saint-Jean en grève, la foule devenait plus compacte et le tumulte plus grand. On n'entendait alors que les rires et les cris sauvages de la populace. Elle avait le cœur à la joie, car bientôt elle allait assister à un de ces spectacles dont elle est toujours si avide. Il lui était impossible d'attendre en silence le drame affreux qui se préparait. Il lui fallait les vociférations, les clameurs et surtout ce désordre sans lequel il n'est pas de fête pour elle. Pendant cette marche, le prêtre ne cessait d'adresser à la fontenelle de religieuses exhortations que celui-ci semblait écouter avec la plus grande attention. Quelque temps avant qu'on arrivât à la place de grève, un homme et une femme, que le hasard seul paraissait avoir conduit devant la charrette, semblaient chercher à distinguer les traits du condamné. À peine l'eurent-ils aperçu qu'une vive émotion se manifesta sur leur visage, mais l'effet produit fut tout différent. L'homme pâlit et la femme rougit. C'étaient Dugranec et Ursule Mesquat qui revenaient de faire ensemble quelques achats en ville. Ce jour-là, Clara, se trouvant indisposée, était restée à la maison et n'avait pas voulu les suivre dans cette sortie. Bien que Dugranec fût informé de la condamnation de Guéder, cependant il croyait que le jour de son supplice était encore éloigné. Quelquefois même, il pensait que peut-être le coupable ne serait pas exécuté et que le roi, en considération de sa famille, lui ferait grâce. Tout récemment, Dugranec avait reçu une lettre du baron de Beaumanoir dans laquelle celui-ci lui annonçait sa prochaine arrivée à Paris. Il ne doutait donc pas qu'Amaury, par l'entremise de ses nombreux amis, ne parvint à sauver son frère de l'échafaud. Aussi, on ne peut se figurer combien fut grand son étonnement et quelle fut sa stupéfaction en voyant son ancien ennemi marcher à la mort. Au même moment, le condamné et Dugranec se reconnurent. Alors la fontenelle, malgré la situation où il se trouvait, attacha sur le jeune Pratmaria son regard haineux et terrible, avec une fixité vraiment fascinante. Puis il murmura ces mots que personne n'entendit. « Dugranec, encore lui !» Celui-ci, vivement impressionné, détourna les yeux de cet affreux spectacle. En présence de son ennemi allant au supplice, sa haine avait disparu. « Eh bien, monsieur !» s'écria tout à coup Ursule en comprimant avec force le bras de son maître. « Ne vous avais-je pas toujours dit, à vous et à Clara, que la fontenelle était un scélérat et qu'il périrait sur l'échafaud ?» Oui, cela devait arriver, car à l'époque où j'habitais avec lui au château de Beaumanoir, jamais je n'ai pu le regarder en face sans frémir. « Va-t'en recevoir le prix de tes crimes » dit-elle hors d'elle-même en semblant menacer la fontenelle, qui alors était à une certaine distance. « Le jour où la cornouaille apprendra ton supplice, ces villes, ces bourgs et ces chaumières tressailliront de joie, et ses habitants remercieront le roi de les avoir enfin vengés. » Dugranec, pressé par la foule dont il ne parvint à se dégager qu'avec peine, n'entendit point ces paroles. Quelques minutes après, il était de retour avec Ursule au logis, où il racontait à sa femme la triste rencontre qu'il venait de faire. Clara ne put s'empêcher de donner des larmes à la fontenelle, pour lequel elle avait ressenti un moment de l'inclination. Et puis son chagrin s'accrut encore quand elle vint à réfléchir au coup affreux qui frappait son parrain Beaumanoir.